apoyo. Apoyo en inglés. Bien ingosa y bien la cosa. Gagné pour nous, attendez pour entendre sous la terre bénie, tout n'est que vanité. Nous pas de vin pour traiter, c'est passé, n'a passé ni ni moins. On nous cherche et comprend, c'est nous-mêmes frères qui pour mettre tête ensemble. Mais dans la main, tout qu'on l'a fait arriver. Oh, manger. Et t'aimes sous copain maman. Danser, danser, danser, compas. Moi soutenir et mon balance. Couple la changer. A coulati, couple la changer. La guerre sous ya ya mwe. A coulati, vive l'amitié. Nous t'es validé. A coulati, couple la changer. La guerre sous ya ya mwe. A coulati, vive l'amitié. Nous t'es validé. Mais compas. Danser, danser, danser, compas. Mais compas. Couple la changer. Mais compas. T'aimes sous copain maman. Va soutenir un pour balancer. Qu'imbéré moi maman. Chante la pandéola.